Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 13 décembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Ouais, pas fort, ça fait un, attendez. Ça va, ça va. Ah, OK. Donc, bienvenue à Assemblage requis. Aujourd'hui, à l'émission, Stéphanie est toujours là. On n'était pas sûr hier si t'allais être de retour. Mais oui, je suis de retour. Tu l'es. Je suis très content de ça. François-Olivier est toujours en congé, malheureusement, mais heureusement pour lui, parce que, bon, on le répète encore une fois, mais il est nouveau papa. Donc, papa pour une deuxième fois. Mais oui. Puis moi, je commence à y prendre goût, fait que j'espère qu'il va en faire un autre après. Ah, come on! Ben, peut-être, en fait. Je sais pas. On va voir. On va lui en parler à son retour, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, à l'émission, ben, qu'est-ce qu'on a de prévu? Un seul chroniqueur. Maxime Bétuy est avec nous, ou sera avec nous d'ici la fin de l'émission. Il n'est pas là en ce moment. Mm-hmm. Il va nous faire sa chronique ciné et télé. Et c'est ça. Ciné et de la télé tantôt. Il n'y a rien de préparé aujourd'hui dans mon affaire. Regarde ça, comment il y a des blancs. Pas d'allure. C'est quoi ça? On dirait une émission acoustique. À cappella. À cappella. Faudrait pas que je me remette à chanter. On sait tous ce que ça donne. Oui, c'est suffisant pour une seule chronique. Tiens, mais parlant de gens qui chantent et que ce n'est pas toujours nécessairement bon. On va commencer avec ton choix musical. Oui. C'est fin, hein? Oui, merci Mathieu. Ouais, Lisa Leblanc, on s'en va entendre. Quel extrait tu nous proposes, Stéphanie? C'est pas un cowboy. C'est ça, je suis pas un cowboy. C'est bon. Ça? Oui, je suis pas un cowboy. Je suis pas un cowboy. On écoute ça, puis plus tard dans l'émission, il y aura la chronique CNX. Et c'est un fait aussi. Je suis pas un cowboy, mais j'aime ça. J'ai pogné à 5 préférée pour savoir comment te consoler. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel qui ne s'arrête jamais, ne t'arrête jamais. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel. C'était Peter et la pièce Carousel sur l'album, une version améliorée de la tristesse à Assemblage requis. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas entendu. Ouais, on écoutait du Peter à tous les jours pendant un bout de temps. Hein? Puis c'est tellement bon, on s'en ennuyait. Ben c'est vrai que c'est bon. Toujours Assemblage requis, il est 7h09. Tout à l'heure, on va faire CNX, la chronique la plus geek de la radio. On va parler entre autres de photos historiques, mais qui reprennent le concept de, tu sais, prendre une photo de soi-même, là, tu sais, là. Genre oui. À la rythme FM, je sais pas quoi. Là, Pics de Chicks. Pics de Chicks. Tu sais, Rouge FM font les Pics de Chicks. Oui. C'est le fun. Donc, qui prennent des photos historiques, dans le fond, c'est un site web qui fait ça. On en parle tantôt dans CNX. Mais pour l'instant, on va l'entendre une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Vous connaissez peut-être la formation Hero Zeta. Ils ont été sur le palmarès, je pense, à chaque album depuis le début de leur existence. Et ça a toujours été très, très bon. Donc, je me risque à essayer la pièce Carry Me Home. Si on regarde un petit peu à l'arrière, la pochette, il y a de la neige. La neige. Puis, si tu regardes dedans, une fille dans l'air. Donc, c'est, je pense, hivernal. C'est un maxi de seulement 4 pièces. Il a l'air d'avoir des chansons style des fêtes dessus, comme Oh Come Emmanuel et The First Snow. On dirait des chansons de Noël quand tu regardes ça comme ça. Je sais pas si ça en est. Je connais pas ça. Donc, la pièce s'appelle Carry Me Home. Et on écoute ça là. Là? Non, pas là. Je voulais dire plus là. OK. Là-bas. Maintenant. Ouais. Joyeux Noël. Oh. T'as plus de bonheur. Ouais. Dans mon cœur, c'est encore trop de bonheur. Parle-moi pas. This hotel is cheap and the pillows stink and there's not a single thing to say it's Christmas Eve or Saint Nicholas. I know I ain't in your list, but if you're listening, I need a bus ticket. I came through Montreal, I lost a lot of dough. Could find no honest job, so I did some other ones. Got into trouble and I had to run or suffer. And then a long road into a long December. I No overbooking here, no sort of holy birth, no miracles occurring, no not a creature stirring. Oh, St. Stephen, where is your feast when I so sorely need it, when I haven't hardly eaten, but I give my food and drink to see my home again, to see my mother's hand against her apron edge. Send me a Christian word, send me a southern wind, oh send me up to my kin, hear the boys singing through their drunken grinning. Oh Jesus, Joseph, Mary, I hear their voices carry me home. Can any saints hear me? Is there any angel near me? If you won't lift me up, then would you send my love back to my home, back to my only shelter? Well, in the awful weather, I'll make you warm and cool. Back to my home. Hey Rosetta! Et l'extrait Carry Me Home, excellent, excellent sur l'album A Cup of Kindness Yet. En fait, c'est pas un album, c'est un maxi, seulement 4 pièces. J'espère qu'on va en entendre d'autres plus tard. Hein? On le souhaite? Ben, je pense que oui, ça va faire du, ça va faire un gros succès, c'est fou! Vous savez, aujourd'hui, et pas à tous les jours finalement, tu sais, je pourrais me garder un petit peu de gêne, mais j'aime ça chialer, tu sais. Ça fait du bien. Ça fait du bien, il faut de laisser sortir le méchant. Tu sais? Parce que dans la vie, il y a tout le temps de quoi. C'est tout le temps de la vie est faite de mettre de bois joie. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite de mettre de bois joie. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Ah, je suis content que tu sois là, Stéphanie, pour pouvoir chialer avec moi parce que je pense qu'on aime ça chialer ensemble. Oui, on s'en vient des professionnels de ça, c'est incroyable. C'est un bon sideline pour nous autres. On a notre job. Ouais. Puis on a le chialage. Le chialage. Puis je trouve que vraiment la toune, soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, je trouve que ça décrit bien notre situation dans notre bureau. Non, c'était 3 semaines, pas de chauffage. Et ouais. Là, c'est rendu un sauna. Le chauffage, on peut plus l'arrêter. Non, on est rendu avec une planche de bois sur notre chauffage pour empêcher le flot continu de chaleur. Puis c'est juste comme, moi, je dirais, moyen efficace. Là. Ouais, c'est ça. C'est disons que... comme... ouais. C'est pas fameux. Donc, il y a tout le temps de quoi, vous le savez, on chiale, il y a plein d'affaires qui se passent dans la vie et j'ai envie de commencer par les gens qui savent pas parler. T'sais. Ça me touche. Ah, oh, ça me tape, c'est énorme. Non, tu sais, t'entends tout le temps genre, tu sais, du détersif, tu sais. Détersif. Du détersif, come on! Du détergent, hein? Bon, ça va? Déter gym. Ok, excusez. C'est quoi ça? C'est du pyrus. Déter Luc, déter... Ok. Parenthèse, sous-point à mon point déjà existant. Tu sais, j'ai sorti à un moment donné dans l'assemblage requis la blague « parmesan pas », tu sais. « Parmesan pas! » Et là, on l'a mis, c'était tellement drôle, et c'est sur le vif qu'on l'a mis dans les meilleurs moments, tu sais. C'était bon, c'était spontané. C'était très spontané. Et là, tu m'as fait entendre un sketch de François Pérusse qui s'adonnait à faire exactement la même blague. Et j'avais jamais entendu cette blague-là. Et là, je me sens comme coudon. Hein. C'est-tu juste parce qu'elles sont tellement faciles, ces jeux de mots-là, que même François Pérusse les a pognés en premier, il y a 10 ans? Moi, je dirais juste, c'est parce que vous êtes tellement des grands des jeux de mots qu'à un moment donné, ça n'a pas le choix de s'entrecroiser. T'as bien raison. Dis de même, ça a bien du sens. Ça, bien ça va mieux comme ça? Tu te sens mieux? Un petit peu mieux. OK, parfait. Donc, on a parlé d'étersif. Déodorant. Comment? Désodorisant. Donc, tu peux pas dire du déo par association, faut que tu dises du désodo. Désodo. Désodo. Désodo, on dirait une marque de sauce italienne. Attractif. Ça, c'est attractif. Non, c'est attirant. Il y a un abus c'est... de tout ça, je te dirais. Attractif, là, c'est... C'est pas très attractif, je trouve, comme mot. Non, vraiment pas. Évidemment, le classique adapteur. Ah, ça, là... Raconte-nous une histoire par rapport à l'adaptateur, s'il te plaît. Mais c'est... J'étais allée dans un magasin où ils vendent toutes sortes de choses, par exemple des meubles et de... C'est ça. Puis moi, je voulais m'acheter des écouteurs. J'ai demandé en même temps, est-ce que vous avez un adaptateur? Et le vendeur de me répondre, oui, on a des adaptateurs. Et j'ai l'impression d'avoir répété 15 fois « Merci pour l'adaptateur ». Toutes les façons que tu peux insérer le mot « adaptateur ». Et lui de répéter « Ah, oh, tu vas voir, c'est vraiment le fun, ça marche bien, ce petit adaptateur-là ». Mais c'est que lui essayait de te corriger parce que il pensait que tu bégayais, sûrement. J'ai vraiment l'impression, oui, qu'il essayait de me corriger. Et quand je suis arrivée aussi même au comptoir de service pour prendre l'adaptateur, le petit monsieur me dit « V'là ton adaptateur ». Et aussi de commencer à m'expliquer comment ça marche. Oui, tu sais, t'es con, que... toi, là. Parce que j'ai vraiment demandé, je veux ça, et de m'expliquer, tu vois là, le petit bout de tes écouteurs, tu rentres ça là-dedans, je suis comme... Tu rentres le petit bout dans le gros bout, tu mets le gros bout dans le gros bout de trou. Donc merci de m'instruire. Et, Ben, c'est bien pratique, une chance, ils sont là. Hein? Mais tu sais, c'est vraiment frustrant quand tu prends la peine de répéter un mot de la bonne façon, puis qu'on te regarde avec les yeux vides et qu'on... C'est ça. Ouais. T'as tant gaspillé ton temps. À vous de comprendre. Ouais, faites-vous votre propre idée. Qu'est-ce que j'allais dire sinon? Bon, c'est à peu près ça pour ça. Là. J'en avais un autre qui m'était sorti de la tête. Bon. Sinon, est-ce qu'on reste dans le français? Oui. Tu sais, des mots comme, mettons, irréprochable, tu sais? Oui. Tu peux pas dire irréprochable. Est-ce que ça se dit irréprochable? C'est un mot irréprochable. Pourquoi c'est irréprochable, non? C'est reprochable? Irréprochable, reprochable, ouais. Ça dépend du contexte. Ouais. Pas sûr. Tu sais, si tu dis un travail irréprochable, est-ce qu'on peut dire un travail reprochable? Le contexte est bizarre, je trouve. Ouais. Je sais pas. Mais mettons une vue imprenable, tu sais. Une vue prenable? Une vue prenable. Mais de toute façon, honnêtement, c'est quoi cette expression-là? Comme, me semble que toutes les vues sont imprenables. Je veux dire... Tu peux pas y prendre. J'ai jamais pris de vue. Ouais. Ah non, c'est ça, l'autre affaire que je voulais dire, c'était celui-là, je pense que je l'ai déjà dit, celui-là. Tu sais, l'autre fois, je voyais quelqu'un qui chicanait quasiment physiquement avec l'autre pour dire, tu sais, parce que l'autre avait dit genre, ça coûte 25 cents, puis l'autre disait, c'est 25 sous, 25 sous, 25 sous, c'est 25 sous. L'autre disait ça encore, non, c'est 25 sous. C'est pas 25 sous, c'est 25 cents. Bon. Cent et dollars, sous et piastres. C'est ça. Plus, ça. Bon. C'est ça. C'est une autre catégorie complètement. Ah, ce que j'ai dit, moi, c'est à la radio où les animateurs vont tout le temps dire gagnez vos tickets! Gagnez vos tickets! Tu sais? Les tickets. Des contraventions de circulation. De... C'est pas clair. T'as pas dépassé ça à rouge? Non, ça marche pas. Rénumérer. Au lieu de rémunérer, tu sais. Oh. Rénumérer, ça veut dire rénumérer plusieurs fois, j'imagine. Non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça devrait Ouais, c'est ça. Je sais pas, mais en tout cas, pensez-y. Ah oui. Les numéros de jeux vidéo. Tu sais, mettons, New Super Mario Bros., la série de jeux vidéo style 2D de Mario, là, qui va de gauche à droite. Le premier s'appelait New Super Mario Bros., c'était sur la Nintendo DS. Okay? Le deuxième est sorti sur la Wii, s'appelait New Super Mario Bros. Wii, parce que c'était pour la Wii. Okay? Moi, je pensais que c'était la même version, mais adaptée pour deux consoles différentes. C'est ce que tout le monde pense, mais c'est vraiment pas le cas. C'est en fait un jeu tout à fait différent avec d'autres tableaux. Ils ont sorti un New Super Mario Bros. 2 sur la 3DS, qui est la suite du premier de la DS. Mais dans le fond, c'est le troisième de la série, si je consulte ça, oui. Oui, hein? Parce qu'il n'a pas rapport avec l'autre. C'est ça. Et là, ils viennent juste de sortir New Super Mario Bros. U sur la nouvelle console de Nintendo, la Wii U. Donc, c'est dans le fond le quatrième du jeu. Je suis toute mêlée. Fait, pourquoi tu appelles ça? Pourquoi tu donnes des chiffres aux versions sur la console portable, mais sur la console de salon, tu l'appelles par le nom de la console? Si, mettons, tu en avais un deuxième sur la console de salon, tu ferais quoi? New Super Mario Bros. U2? U2. Puis il y aurait une mauvaise tune qui jouerait comme intro, genre, de U2? Sunday Bloody Sunday, je sais pas. Je sais pas, j'aime pas ça. J'écoute pas ça. En tout cas, je trouve que c'est vraiment boboche. Mais c'est vraiment mêlant, tous ces trucs de chiffres-là. Ouais. Moi, c'est comme Star Wars. Oui. Moi, les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais qui ont été faits à l'envers. Là, tu me demandes, hey, t'as-tu vu le premier Star Wars? Tu parles du quatrième ou du premier? Là, ouais, le premier dans le temps ou le premier dans l'histoire? Puis là, s'ils veulent en sortir d'autres, là, je suis pas sortie de là, moi, je comprends plus rien. Les 7, 8, 9, est-ce qu'ils vont faire des prequels? Est-ce qu'ils vont faire des sequels, les suites, des pruites? Des prequels, j'appelle ça des pruites. Non? Ça pourrait être comme moins 1, moins 2, moins 3 pour que ce soit les précédents, mais il faut que tu y ailles vraiment à l'envers. Donc, le moins 1 serait plus loin dans le temps que le moins 3. Ben logique. Super. Là, tu m'as perdu depuis un bout, là. Ah oui, les pancartes, on faisait le... On a trouvé la machine à café là, du matin info, là. Oui. C'est pas délicieux. Ici, à l'université. Et à côté, il y avait une pancarte sur une porte qui dit, tu sais, de retour dans quelques minutes. De retour dans quelques minutes. Ça va, tu sais. Mettons que ça dit de retour dans une demi-heure à partir de quand, tu sais. Oui. Tu sais? Est-ce que je viens d'arriver à la fin de l'heure? Ouais, une heure. Fait que là, j'attends-tu une heure ou j'ai juste 5 minutes parce que ça fait déjà 55 minutes et est parti? Tu sais pas. Fait que, tu sais, laissez-le un post-it de retour à, tu sais, une heure et quart, mettons, t'sais. Mais ce qui est cool, c'est des fois, c'est des petites horloges. Puis ils font juste comme tourner l'aiguille. Puis de retour à cette heure-là, c'est comme, tu sais, moi, je m'en fous à quelle heure t'es parti. Je veux juste savoir à quelle heure tu reviens. C'est ça, on se fout de ta vie. Ah! Est-ce que tu veux nous raconter l'histoire d'une machine à bonbons dans le même corridor de Matin Info? Non, en fait, pas du tout la même non, place. Non, c'était. Non, sur le chemin de. Dans le ringuet, ouais. Au premier étage. Je trouve ça vraiment très drôle. C'est une façon détournée de dire les choses. Sur les machines à bonbons, tout le monde le sait, c'est des petites portions. Oui. Mais c'est écrit sur le petit cadre de bois, portion équilibrée. Là, je suis comme, portion équilibrée, tu veux dire, c'est une façon polie de dire portion cheap. Tu es en train de dire que je suis grosse, non? Ouais, c'est ça, tu sais. Je prends ça là parce que je surveille mon alimentation. Oui. Comment c'est des bonbons? Donne-moi-en pour mon argent. C'est quoi, c'est 3 jelly beans, genre 25 cents, ou tu sais? Ouais, 3 c'est cheap, tu sais, équilibré. Non, là, je suis pas équilibré, là, je suis en train de péter ma coche, c'est là, ça. Parce que c'est frustrant. Parce qu'une portion équilibrée, s'il faut que tu mettes 2 piastres de 25 cents dans la machine pour en avoir une portion convenable, c'est pas mieux. Non, vaut dépanneur. Franchement, portion équilibrée. Frustrant. J'ai d'autres choses à te raconter aussi qui m'ont vraiment frustré hier. Hey, écoute ça. J'écoute. Au IGA. IGA. Moi, là, OK, je suis toute seule pour transporter ma cruche d'eau. Je vais dire, je vais prendre une 11 litres. Une grosse, là, qui va sur une machine à eau. Là. C'est ça, mais moi, je voulais pas prendre la 18 litres parce que je suis toute seule pour la transporter. T'as mis les portions équilibrées. C'est ça, tu sais. Je vais prendre la 11 litres, mais ils ont pas de 11 litres. Non. Mais moi, toute seule... Ah oui, ils me demandent, tu veux-tu un panier pour la porter jusqu'à ton auto? OK, je peux-tu rapporter le panier chez nous pour rentrer ma cruche d'eau? Fait que je suis pognée avec la 18 litres. Je suis obligée de m'arrêter comme 4-5 fois en chemin parce que c'est trop pesant. Come on, il y a des 11 litres partout. Pourquoi pas ce... Pourquoi cette épicerie-là, en particulier, en a pas? J'étais vraiment fâchée. C'est même bizarre. Puis comment ça se fait qu'il n'y a pas un gars de l'épicerie qui t'a pas offert d'aller t'apporter jusqu'à ta voiture? Ou jusque chez nous? Jusque chez vous. Mais c'est chez nous le problème, là. Ouais. Pour rentrer de mon auto jusqu'à chez nous, la 18 litres, aïe aïe, c'était pas évident. Il te faut un petit buggy. Un petit buggy. Un petit buggy. Caroline. Mais... C'est ça. Il y a d'autres temps de quoi? C'est très beau, ça, la glace, avec ma 18 litres. Ça doit. T'aurais pu la faire rouler ou glisser. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Ou des petites roulettes. Pousse du plastique. C'est ça. Ouais. Voilà, il y a tout le temps de quoi. Puis c'est de même, puis ça va continuer d'être de même, hein? Ah oui, on va en trouver d'autres, c'est sûr. Hein? Certains. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, 7h25. Là, je le promets depuis le début de l'émission, mais c'est vrai, plus tard, après la pause, dans la prochaine demi-heure, il y aura Cénix, la chronique geek. Mais pour l'instant, on retourne en musique, on va entendre une pièce de Willie Byrne. C'est nouveau, c'est en francophone, j'ai jamais entendu Willie Byrne de ma vie. Mais voici l'extrait du palmarès, c'est Psychanalyse numéro 9. Assez fou. 89 FM. En ce moment même, j'aimerais être vraiment. charme. Personne du sexe féminin ne comprend mon humour fin. On me prend pour un petit malin alors qu'il n'en est rien. Oui, car je suis trop souvent signé. Oui, car je suis trop souvent signé. C'est d'être sympa. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Il est 7h31, toujours Assemblage requis avec Stéphanie Paradis. Allô, avec Mathieu Plante aussi. Allô, François-Olivier Marchand n'est pas là. Ben non! Non, ben il va être content parce qu'on va parler de technologie dans son dos, puis lui, ben je sais que ça l'intéresse pas, moi-même. Toi non plus. Mais ça, ben un peu, là, mais ça se peut que je comprenne pas tout. Je vais essayer de t'expliquer, tu me poseras des questions. Voici Célix. Célix, la chronique de la bibliothèque. C'est la chronique CLX, la chronique la plus geek de la radio, oui, en ce jeudi matin du 13 décembre, lendemain de 12-12-12, on n'a même pas parlé hier quasiment. Ben non. Non. Et on n'a pas entendu parler ben, je trouve ça dommage. C'est triste. Mais savais-tu que le 13-12-12 est aussi rare que le 12-12-12, ça? Ça va juste arriver une fois. Oui, mais ça sonne moins beau. Ouais. En tout cas. Commençons avec des photos historiques, mais changées en ce qu'on appelle les selfies. Les selfies, c'est quand on prend une photo de soi-même avec son téléphone. Pics the chicks. Ben, tu sais, justement, les téléphones de nos jours offrent souvent deux caméras, une à l'avant et une à l'arrière. Donc, t'as pas vraiment de raison, tu sais, de te prendre dans le miroir. Là. Non. Ça marche plus, ça. Non. C'est fini. C'est out. C'est très out. Donc, il y a un journal. C'est le c'est en Afrique du Sud, premièrement, le Cape Times de Cape Town, en Afrique du Sud, qui a fait cette campagne-là. C'est qu'ils ont pris des photos historiques, comme, mettons, tu sais, le baiser célèbre à Times Square. Oui. Ouais, le dessin, ben pas le dessin, la photo kiss. Donc, ils reprennent la même photo et ils ont pris, je sais pas comment ils ont fait, mais une photo similaire d'un bras. Avec l'effet de floutage, là. On aime ça, ce mot-là. Ouais, le floutage pour camoufler n'importe quoi. Pour cafouter. Cafouter. Du cafloutage. C'est un peu ça? Du cafloutage. Oui, c'est titre bon. De l'épisode. OK? Mais là, on s'en rappelle parce qu'hier, oui. On a oublié. Écris-le, parce qu'on est obligé de réécouter l'émission deux fois pour retrouver ça hier. Cafloutage. Si jamais je vous demande à quelqu'un à la maison ou quelqu'une, ben, ça va être cafloutage. Bon. Donc, c'est ça, le 14 août 1945, ils ont repris cette photo-là et puis ils disent, bon, tu sais, que ce journal-là vous amène plus près de la nouvelle. Tu sais, TVA, c'est vrai, etc. Tous ces slogans de marde. Ou sinon, le baiser entre choses, Kate Middleton puis son prince, là. Ah, je sais pas. Le charmant, tu sais qui, là. Même chose avec la main. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait aussi? l'activiste de l'Afrique du Sud, Desmond Tutu, et tout là-dessus. Donc, il y en a plein d'autres. Allez voir sur assemblagerocky.com. Est-ce que vous êtes déjà demandé, est-ce que toi, tu t'es déjà demandé, Stéphanie, de quoi avait l'air l'entrepôt d'Amazon? Non. Non, ben maintenant, tu vas savoir quand même la réponse, parce que c'est très, très, très impressionnant comment les choses sont empilées les unes par-dessus les autres et en rangée systématique avec sûrement un système de numérotage des plus incroyables. Donc, allez voir ces photos-là des choses qui sont entreposées dans le gigantesque entrepôt d'Amazon. Quand vous commandez quelque chose sur Amazon.com, il y a des travailleurs là-bas qui vont aller chercher votre produit, mettre ça dans une boîte, vous l'envoient. Tu sais comment c'est rapide Amazon? Je sais pas si tu as déjà essayé. Oui, oui, c'est vraiment très rapide. C'est génial comme service. Maintenant, j'achète presque juste là mes affaires. Oh my God, c'est... Il y a du stock, hein? Il y a vraiment trop de stock. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Donc vraiment, allez voir ça, c'est très intéressant. Wow! Surtout par-dessus les vidéos, je vais les faire à la fin. OK. Les seules personnes qui sont capables de regarder une performance à l'émission Glee au complet. Et ça, c'est dans le plus récent épisode de Glee. La caméra a viré vers le public quelques secondes pour montrer la foule. Et là, on voit des gens applaudir. Mais si tu regardes en arrière de la photo, c'est clairement des mannequins de plastique. Ben oui, hein? C'est n'importe quoi. Dans la photo que je vois là, je vois comme 3, 4, 5 humains et une bonne dizaine de poupées, là. Mais on voit, ils ont fait du cafloutage un peu pour pas que ça paraisse trop. Peut-être qu'en disant le titre plus souvent, on s'en rappelait plus. C'est ça. Ah non, mais c'est génial de voir ça. J'imagine qu'il y avait des raisons pour ça. C'est sûrement pas parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver des gens pour aller dans le public, là, parce non, que les gens se battent pas pour y aller. Mais il devait y avoir des raisons plus techniques. Sûrement, genre l'enregistrement qui dure trop longtemps. À un moment donné, on est obligé de laisser les gens partir. Ensuite. Ah tiens, à la place de donner des cadeaux de Noël, des Christmas gifts, vous pouvez maintenant donner des Christmas gifts, comme des gifs animés de Noël. Très, très bonne idée. Donc, allons voir le About Project. Tiens. Christmas Gifts est un showcase festif de gifs animés créé par un groupe d'illustrateurs internationaux, des animateurs et des réalisateurs, si on veut. Un projet donc qui est choisi et filtré par Ryan Todd et construit par Enjoy This. Donc, vous pouvez aller voir, c'est des gifs animés qui célèbrent Noël. Et là, on peut cliquer dessus pour le voir en plus gros. Et ça nous donne le nom de l'auteur, son site web. Et là, on peut les partager et envoyer ça par courriel, un peu comme des cartes virtuelles. C'était bien en mode dans le temps. Oui, jadis. Hey, y en a vraiment des très amusants. Oui. Il y en a aussi des très douteux. Donc, ça vaut la peine d'aller les voir. Je peux en décrire quelques-uns. Mettons le bonhomme de neige qui fond, je le trouve particulièrement joli. Il y a une Mrs. Claus zombie, mais qui se métamorphose de jeune femme aux cheveux longs, noirs et bleus à une face de zombie. Est-ce que t'en as des préférés là-dedans? Il y a comme un bonhomme de neige qui danse que je trouve un peu troublant. Moi, okay. C'est vraiment... Puis il y a un genre de Père Noël avec des yeux qui étirent, là. Oui, en effet. Et il y a aussi un Père Noël qui joue au basket. Il fait tourner un ballon de basket sur son doigt. C'est très beau. Christmasgifts.org. Il y a une dinde psychédélique. Je vais juste pour la dinde. Ensuite, toujours dans le Connect CNX, évidemment. Il y a un nouveau Tumblr. Tu sais, les Tumblr, c'est des blogs à utilisation unique, là. Souvent, les gens vont s'en servir pour ça, pour montrer quelque chose de vraiment idiot. Et puis là, ils en mettent à tous les jours, à tous les quelques jours. Donc, vous vous rappelez peut-être, il y a quelques mois, on avait parlé d'une couverture d'une bande dessinée de Catwoman, où on voyait Catwoman se contorsionner. Dans le fond, la Catwoman était placée dans une position quasiment impossible à reproduire dans la vraie vie. T'sais. OK, oui. Parce que les dessinateurs, eux, ils font une pose sexy pour qu'on puisse voir ses fesses et ses seins en même temps. Ça reste pas très réaliste. Donc, ce Tumblr-là reprend la même chose et ça s'appelle The Hawkeye Initiative et il montre comment, dans le fond, de quoi ça aurait l'air. Attends, je vais l'ouvrir pour vous en parler un petit peu plus en détail. Dans le fond, il fait des comparaisons entre les positions et... attends un peu. Comment est-ce que je pourrais décrire ça? C'est genre un dessin qui fait lui-même à la... OK, c'est ça. OK. Donc, il prend un dessin de femme dans une bande dessinée qui est complètement irréaliste, encore une fois, où on voit ses seins et ses fesses en même temps, ce qui est comme physiquement pas tout à fait possible dans ce cas-là. Et il les redessine, mais c'était des hommes. Parce que les dessinateurs sont souvent des hommes. OK. Donc, il leur montre de quoi ça aurait l'air si c'était un gars qui avait dessiné. Ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Donc, ça marche pas pour une fille non plus. Tu comprends? En théorie, mais... Ça a l'air quand même moins bizarre avec la fille, mais on comprend bien de cette façon-là que... Mais physiquement... C'est des positions qui ont l'air tout à fait douloureuses, finalement. Ben oui, douloureuses. je pense pas qu'on va t'en sortir vivant. Bon. Donc, allez voir ça, c'est sur thehawkeyeinitiative.com. Le lien est évidemment sur assemblagerocky.com. Et vous pouvez aussi soumettre vos propres dessins sur ce site-là. Je trouve l'idée très intéressante. Ensuite, enfin, votre chance que vous attendiez tous depuis le début des temps, c'est d'acheter 1950 figurines de Star Wars. Wow. Pourquoi pas, hein? C'est une collection qu'on peut acheter, mise aux enchères par Rancho Obi-Wan, une organisation non-profit, là, donc de, si on veut, comment s'appelle ça, non-profit? But non lucratif. But non lucratif. Merci. Pour célébrer leur premier anniversaire et aussi la publication de Star Wars The Ultimate Action Figure Collection, 35 Years of Characters par Steve Sansweeds, le président et CEO de chez Rancho. Donc, c'est pour une bonne cause, nous disent-ils. Et allons voir sur eBay si en ce moment c'est encore disponible. Ah, les mises sont terminées. Ah, le gagnant, 11 500 $ Quand même. Pas pire, ça un bon petit montant. J'aime ça. Ah, il y a plusieurs R2-D2 dedans. C'est vraiment chouette. Moi, je veux un R2-D2. Tu veux pas deux R2-D2? Mais en fait, il y en a juste un. Fait. Ouais, mais moi. Non, non. OK, t'es une puriste, hein? Un de chaque. Exactement. D'accord. Staples Bureau en gros aux États-Unis va commencer à offrir le service d'impression en 3D. Vous savez, l'impression 3D, on en entend de plus en plus parler avec les années qui avancent. Et vous allez pouvoir imprimer votre propre projet 3D en magasin bientôt. Donc, ça a été annoncé à Euromold 2012 par le manufacturier d'imprimantes 3D More Technologies, qui, dans le fond, a signé un partenariat avec Staples Business Depot Bureau en gros. Peu importe comment vous voulez appeler ça. Ils peuvent pas se trouver un nom international, ça. Appelez ça Staples partout. Non? Hein? C'était pas Desk and Big? Desk and Big! Bureau en gros. Tout à fait. C'est ça. Il vous parle de la méthode d'impression et aussi une petite vidéo pour voir comment ça fonctionne sur assemblagerequis.com. J'ai bien hâte de voir si ça va arriver au Canada un jour, probablement. Et d'ailleurs, la première machine, tu sais, photo booth, là, comment on appelle ça, une genre de machine à photo? Un photomaton. Oui, c'est ça. Photomaton. Donc, qui va faire des figurines de vous à la place de photos. C'est une compagnie japonaise nommée Party qui, dans le fond, c'est un creative lab, un laboratoire de création là, qui a ouvert cette démonstration où les invités peuvent faire prendre leurs photos et les faire convertir en figurines. Ça s'appelle Omote 3D Shoshinkan et c'est du 24 novembre au 15 janvier, c'est le temps d'y aller. Ça coûte entre 21 000 et 42 000 yens par personne, donc entre 260 et 500 $ et il y a des rabais pour les groupes et les pairs. C'est une bonne idée, c'est cool, mais imagines-tu déjà dans un photomaton, c'est super long avoir des photos. Là, faut t'attendre après des figurines. Je t'ai pas sorti du centre d'achat. Non, du cat center. Centre d'achat. Donc, les étapes sont plus compliquées que ça. Il faut que tu restes immobile pendant jusqu'à 15 minutes pendant que les images sont prises. Le site recommande de porter des vêtements simples avec une seule couleur et ne pas avoir de matériaux fluffy avec du poil, des affaires de même, les fourrures, je sais pas quoi. Les figurines sont disponibles en trois grandeurs de 10 à 20 cm. Ça prend environ un mois pour que Party crée et vous envoie la figurine. Faut pas rester là pendant un mois. OK. Ça vient un petit peu régler le problème de l'attente. Il va falloir que t'attendes chez vous. Hein? Et allez voir la vidéo de comment on fait ça, encore une fois, sur assemblagerequis.com. C'est cute, c'est vraiment cute. C'est pour mettre sur un gâteau de mariage. Ouais, c'était ça que j'avais pensé. C'était ça que j'avais pensé ne pas faire aussi. sais-tu qu'on peut envoyer un pet par courrier maintenant, une flatulence? Ça s'appelle Fart by Mail, les puantologues, si on veut, chez cette compagnie de la Californie, Fart by Mail. Elle vient de lancer un service comme ça, par la poste. Un message personnalisé, une odeur dégueulasse et un son amusant de paix avec chaque carte de souhait. Tout ça pour seulement 9 $. Amusant bruit de paix. Amusant? Je sais pas s'il n'y a pas l'extrait. Hein. J'aurais aimé avec de l'odeur comme du scratch and sniff là, directement sur l'ordinateur. Exact. Donc, chaque fart by mail vient dans une enveloppe scellée de polyéthylène. Docteur Puanteur, Docteur Stink écrit un message à votre ami expliquant dans le fond ce qu'il y a dans l'enveloppe. Je sais pas si ça va se faire arrêter aux douanes, cette affaire-là. Hein? Tu peux envoyer aussi une enveloppe plus furtive, un peu comme un ninja là, pour envoyer un pain déguisé en enveloppe brune. C'est une chose la plus normale pour prendre votre victime par surprise. Et vous pouvez aller voir leur première publicité télé. Je sais pas si c'est télé, mais au moins web sur assemblagerequis.com. Wow, mais c'est de mauvais goût. Et de mauvaise odeur. Tous vos sens seront touchés. Quoique, il n'y a pas grand-chose de lettre là-dedans. Puis au toucher, c'est pas mal une enveloppe. Finalement... L'odeur, puis le goût peut-être. Parce que ça goûte comme ça sent. Si tu respires par la bouche, ça doit pas être bon. Il y a un utilisateur du site reddit.com, Casino Roy, qui cherche sur Facebook des gens avec le même nom que lui. Okay? Donc, il s'appelle... il cache son nom en premier, donc je peux pas vous dire son nom. Mais il cherche des gars avec le même nom que lui. Il imite leurs photos de profil avec tous les vêtements, les affaires qu'il y a en arrière, tout au complet. Il leur envoie une demande d'amitié. Mais ça, c'est drôle! J'adore ça! Tu sais, quand t'as un nom moyennement un peu original, mettons, là, tu sais, je sais pas... Ben, Stéphanie Paradis, c'est correct. Mathieu Plante, je sais qu'il y en a au moins deux à Trois-Rivières. Ben, Stéphanie Paradis, il y en a plusieurs. Sûrement, sûrement. Tu préfères. Fais ça. Parce que le gars, là, il prend genre un douchebag, tu sais, avec sa petite calotte sur le côté, oui. Là, tu sais, 500 mètres de casquette. Puis il fait la même pose, avec le même cadre en arrière. Puis il prend sa photo, un selfie. Ouais. C'est très drôle. Il y a aussi une photo, un gars couché avec son bébé, mais lui, il est avec un chien. C'est oui. Très drôle, c'est oui. Cute. Ou un gars avec sa copine qui se donne à avoir la même coupe de cheveux. Ah, c'est bon ça. Ouais, ouais. L'autre, il donne de l'attitude. L'autre, il pogne les fesses d'un autre gars. L'autre, il y a un genre. L'autre, s'est mis une perruque de cheveux avec un toupette pour imiter oh! un genre de emo. Oh mon Dieu. Ah, oh, c'est vraiment cool. Quelle bonne idée. Donc, il y a des gens qui répondent bien, mais la plupart des copines après quelques temps. Tu sais, friendé, comment tu dis ça en français? Copiné. Ouais, copiné. Demander en ami, demande d'amitié. Ouais. Il le dédemande. Dédommagement d'amitié. Non, moi, j'aurais vraiment envie d'être amie avec un gars qui imite ma photo. C'est juste très drôle. Puis ça prend pas de sens de l'humour pour le flasher, non? Et exactement, mais il y a des gens qui sont de même. Hein? Ah. Premier degré, puis bon. J'adore celui-là. C'est des captures d'écran de films, un peu comme les selfies au début du bloc tantôt. À la place, le gars, je sais pas comment il fait, parce que c'est vraiment réussi. Côté look, là, ça a pas l'air faux du tout. Là. C'est qu'il remplace les fusils dans des films par des fusils de Duck Hunt. Ah! Tu sais, le jeu de chasse au canard, là, oui, sur la NES. Oui, c'était tellement cool, ça. Fusil rouge et gris. Mais je l'ai perdu, mon fusil. Oh non, mais tu peux sûrement trouver le fusil tout seul. C'est encore ta sûrement, console puis le jeu, là. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Donc, dans plein de films, là, les Star Wars, les Big Lebowski. Donc, allez voir ça. C'est cute. Il n'y en a pas tant que ça, par contre. Je pense qu'il y a d'avoir un lien pour en avoir plus. Triste. Mais bon, des fusils remplacés par des Duck Hunt Guns. Maintenant, portion vidéo de la chronique CNX d'aujourd'hui. Commençons avec, évidemment, il y a tout le temps au moins une vidéo de Gangnam Style par chronique, là, parce que c'est tout le temps ce que... Tu sais, 6 mois après la sortie, c'est encore ce que les gens font. Mais celui-là est particulièrement drôle parce qu'il est vraiment, vraiment, mais vraiment, vraiment mauvais. Donc, on va l'entendre. Une école secondaire... Okay, je sais que la musique est mauvaise, là. Je sais que vous l'entendez trop souvent, puis c'est assez fou, ça joue pas pour la vidéo. Il est remplacé par Spartan High School Style, mais c'est... Le talent d'acteur n'est pas présent. Ça a été fait, je sais pas si c'est par l'audiovisuel de l'école. C'est vraiment très bizarre. Ça chante même pas, puis tout ce qu'ils ont fait, c'est prendre le bout où ça chantait pas dans la chanson, puis le louper, tu sais. Ouais, c'est ça. Ok, non, c'est trop long, c'est vraiment trop long. C'est inconfortable à regarder du début à la fin, ça dure un bon 4 minutes 20. Le montage est vraiment douteux aussi. Il n'y a rien d'autre que des choses douteuses. Attends un peu, je vais aller plus loin parce qu'il y a un gars à un moment donné ici. Ok, celui-là. Ok, écoutez ça. Spartan High School Style. C'est même pas sur le rythme de la musique. Ah. Déplaisant, déplaisant. Celui-là est vraiment difficile à regarder. C'est un. Je pense que c'est bien. Celui-là vient d'un bulletin de nouvelles, donc je pense que la fille va parler de quelque chose avant. Ouais, bon, on s'en fout de l'intro. Bon. Wayne Houchin, un magicien aux États-Unis, est allé à un talk show dans un pays au Moyen-Orient, je sais pas trop où, ou en Asie. Et le gars lui a demandé. Dans le fond, pour faire une prière, genre, il a mis quelque chose dans ses mains et ça, il a demandé de le mettre sur sa tête ou je sais pas trop quoi, mais le gars, sa tête a pogné en feu, en direct à la télé. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com, mais c'est vraiment difficile à regarder. Le gars souffre beaucoup, mais il va s'en sortir. J'ai vu une entrevue avec lui, un article sur Internet et c'est vraiment, vraiment dommage, mais bon. La vidéo est là et ceux que ça intéresse, je l'ai postée. Ouais, c'est pas mal le fun. Et on va regarder pour terminer... Tu connais les machines Rube Goldberg qui sont des choses qui s'enchaînent les unes après les autres. Ah oui! Mais celle-là est faite avec des aimants. Donc ici, on voit la petite voiture qui avance, la bille avance, est envoyée de l'autre côté, ça monte une échelle. Les choses sont attirées par... Les billes dans le bol sont attirées par l'aimant qui est en haut. Ça fait le tour d'un genre de ressort qui est envoyé sur une autre affaire, qui se déballe, qui s'envoie sur des boulons. C'est cool, on dirait que ça défie la gravité, là. C'est comme à l'envers de ce que ça devrait être, mais c'est fait avec des aimants, donc c'est quand même vraiment, vraiment cool. Voilà. Allez voir sur assemblagerequis.com, c'est 1 minute de cette machine à la Rube Goldberg. Et c'était impressionnant pas mal. La toune est bonne. Oui, en effet, tous les coups. C'est joli. Oh, voilà. Donc, Newton 0 Goldberg 1, Newton, la loi de la gravité. On se comprend là-dessus. Et j'en avais un autre à vous faire écouter. C'était celui-là avec Zelda. qui va sauver la... Ben, en fait, c'est Link, évidemment, de la série des jeux vidéo Zelda. Link s'en va sauver la princesse, mais à travers des ordinateurs et des dessins. Donc, le dessin est scanné sur un numériseur, là. Scanner, évidemment. Numérisé sur un numériseur. Sur un numériseur, on se comprend là-dessus. Et donc, le dessin est scanné et après ça, ils se mettent à bouger. Donc, vraiment, le travail de, d'infographie là-dedans pour que les ombrages et la luminosité dans l'écran se, soient reflétés dans, dans les dessins. Et par exemple, ici, il insère un CD. Le CD est montré dans l'ordinateur en temps réel sur, le, sur l'animation. Ça fait descendre la barre de menu du Mac. Link marche sur les icônes bondissent. Sérieux, ça a dû prendre des heures oui, et des heures. Oui, beaucoup de travail là-dedans. Il arrive et il tire des flèches sur des méchants. On dirait vraiment qu'il change de, d'écran d'ordinateur. Là. C'est vraiment ben, cool. À date, il est passé sur un MacBook, sur un iMac, un iPad. Il est revenu sur un MacBook Air, un autre iPad, un iMac. Et évidemment, la musique qu'on entend est un... pas Gangnam Style. Non, non, non. Pas de... Non. Oh. C'est un Gangnam Style version chiptune, ça. Ils sont dans un iPhone, d'autres iPads. Et là, ils sautent dans l'eau et on voit l'eau faire du, des vagues sur l'iPad. Et les poissons sauter en dehors de l'écran. Bref, on n'a pas besoin de regarder ça au complet à la radio, on s'entend. Mais vous, allez le voir, cool. C'est oui. Vraiment cool. Sur assemblagerequis.com, ça prend pas vraiment de temps à aller voir ça, je vous le conseille. Comme toutes les choses que je vous conseille dans la chronique, c'est toujours ben bon, hein? Toujours, toujours, toujours. Plein de minutes de bonheur. Plusieurs. Et voilà pour la chronique Cénix aujourd'hui. Tous les liens, encore une fois, sur assemblagerequis.com. Je pense que je l'ai dit au moins 10 fois dans la chronique d'aujourd'hui. Et je vous vole pas les punchs, mais à la fin, peut-être que la princesse est sauvée. Je sais pas, là. Peut-être. Mais là, j'espère. Ça finira mal, pas mal. Hein? Et voilà, pour Cénix, on va se faire une autre chronique une autre fois. Là, je suis en train de chercher la chanson qui va terminer la chronique. Ça dépend. J'adore les remixes des chansons de Zelda. C'est toujours très, très, très bon, je trouve. Toujours. Elle veut pas arriver la chanson, fait qu'à la place, on va juste remettre un fond. Voilà. Toujours Assemblage Requis, il est 7h51. Plus tard dans l'émission, on va avoir Maxime Bétuy, sa chronique ciné-télé. Ça s'en vient dans 10 minutes à peine. T'as hâte, hein? Hey, oui. Toi, des affaires de cinéma puis de télé, tu connais ça? Ah, ben, ça dépend quoi, là. Qu'est-ce que tu connais, mettons? Qu'est-ce que je connais? Ouais. Vois-tu vraiment acheter des humeurs? Ouais. Il nous reste 10 minutes, je peux t'en énumérer pendant 10 minutes. J'aimerais bien ça. Non, à la place, on va l'entendre une pièce de Crystal Castles. Une pièce de fucké. Une pièce de drogué. Ça va sûrement être un meilleur choix que moi qui énumère pendant 10 minutes ce que j'écoute à la télé et au cinéma. Ah, arrête de te rabaisser. Ben là. Voici Plague Crystal Castles. Ah, c'est fou. calculer la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2979794899 fois 10 exposant moins 7 newtons. Dans ma classe de physique, j'ai réalisé qu'Isaac Newton était un romantique avec sa théorie de la gravité. Et pourquoi nos deux corps se sont attirés? Ce n'est pas une pomme qui lui est tombée sur la tête, c'est plutôt un coup de foudre au fond de son être, rêvant tout doucement à ce grand mystère. La réponse lui est venue dans ses calculs. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2979794899 fois 10 exposant moins 7 newtons. J'ai calculé que la force, la gravité qui nous pousse l'un à l'autre pourrait augmenter si on s'approchait. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. Je veux renommer cette théorie, lui donner un nom bien plus joli pour décrire cette force sublime qui pousse les gens à faire des folies. Comme une pomme qui me tombe sur la tête, je ressens la foudre, je ressens ton éclair illuminé. Je me laisse aller à cette force plus grande que la gravité. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2979794899 fois 10 exposant moins 7 newtons. Pourrait augmenter si on s'approchait. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. La force de la gravité par les surveillantes à Assemblage Rookie, c'est une pièce qui n'est pas pour tout le monde. Il y en a qui, en tout cas, j'entends un commentaire souvent que les gens n'aiment pas, là. Non, c'est vrai, moi j'aime pas ça. Moi je l'aime bien. Les surveillantes, qu'on appelle aussi des fois les directrices, les enseignantes, les remplaçantes, on se rappelle jamais. Mais c'est des surveillantes, voilà. Et c'était en lien avec la vidéo qu'on avait écoutée dans CNX tantôt sur la force de la gravité, hein? Oui, il y avait un lien, là, c'est juste que, tu sais, c'était retardé. Parce que je la cherchais, puis c'est ça. Bon. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Rookie. Tout à l'heure, ciné et télé avec Maxime Bétuy. On va parler entre autres de Bilbo le Hobbit. Cool! C'est le Hobbit, là, la chose. Ouais. Avec, dans le, tu sais, sur le... Les pieds poilus. Au film, là. Les pieds poilus. Les pieds poilus au vu. Hein? C'est ça. Au vu. Mais pour l'instant, ben, on se quitte quelques minutes et on revient tantôt. Hello. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Rookie. Vous êtes toujours à Assemblage Rookie, émission matinale en pièces détachées en ce jeudi 13 décembre 2012. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Paradis. En remplacement de Chose, le nouveau papa. Oui, papa. Je sais pas comment il va s'appeler, comment son enfant, son numéro 2 va s'appeler. Là. Son petit suiveur numéro 2. Ah, il nous l'a dit, je m'en souviens pas. C'est bien pas. Maxime. Comment? Maxime? Ouais. Ben, on a déjà assez de 3 Maximes à l'émission. Pas besoin d'un quatrième, là. Ça va faire, les Maximes. La multiplication. On dirait des lapins, ces Maximes-là. Il y en a plein. Ça se reproduit entre eux. C'est exactement ça. Ah, c'est Maxime Junior, Junior, Junior. Oh. Bon. Donc, vous avez entendu Maxime Bétuy qui est là en studio avec nous. Bon matin. Bon matin. Tu vas bien? Oui, ça va. C'est ton avant-dernière chronique. Hein? Avant-dernière chronique, c'est officiel. Faut que ça finisse un jour, donc la dernière sera la semaine prochaine. Voilà, juste avant que je m'en aille pour d'autres contrées. Ah, et tu reviendras jamais. Oh si, je reviendrai. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Donc aujourd'hui, impossible de commencer ta chronique ciné et télé sans parler de... Bilbo le Hobbit. Ah, ce sacré poilu Bilbo. Donc le titre du film, c'est Un voyage inattendu. C'est le film événement de cette fin d'année. C'est l'adaptation du roman de J.R.R. Tolkien par Peter Jackson. Donc, je vous raconte l'histoire vite fait. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu de Chêne. Leur périple les conduit au cœur du pays sauvage où ils devront affronter les gobelins, des orques, des wargs meurtriers, des araignées géantes, des métamorphes et des sorciers. On prend rien. Pour que tout le monde s'y retrouve, sachez que l'histoire se passe avant la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et c'est Martin Freeman, qui n'a rien à voir avec Morgan Freeman en passant, qui a décroché le rôle tant convoité par le tout Hollywood. Un rôle que l'acteur avait dans un premier temps eu le culot de refuser à cause d'un emploi du temps chargé sur la série Sherlock. Ouais, mais la série Sherlock, là, ça prend pas toute sa vie. Là. Mais il avait dit, j'ai pas le temps, je peux pas. Non, tu peux pas refuser ça. Les interviews sont sur Internet. Ah, c'est trop grosse. Il voulait avoir l'air de refuser, mais ils ont réussi à le convaincre monétaire. Du coup, il dit que c'était très, très difficile. Mais du coup, c'est Peter Jackson, étant têtu comme une mule et ne voulant personne d'autre pour interpréter le rôle du Hobbit, c'est lui qui a décalé son planning de tournage, en fait, pour attendre l'acteur. Quand même, c'est gros pour un acteur qui a commencé dans The Office, la version britannique de The Office. Ça, c'est vachement classe, quand même. Vraiment, là? Ouais, mais c'était quand même pas... Mais le fait que Peter Jackson l'attende, c'est vachement classe. Oui, vraiment, c'est très, très bien. Ouais, bravo. Ian McLean reprend son rôle de Gandalf le Gris, un rôle qui fut proposé dans un premier temps à Sean Connery pour une somme astronomique de 450 millions de dollars. Pour info, c'est le budget de la nouvelle trilogie du Hobbit. Au complet. Ouais. L'acteur avait refusé parce qu'il n'avait pas compris l'histoire. Après, ça l'a pas empêché de faire la ligue des gentlemen extraordinaires, donc bon, il aurait peut-être dû prendre Gandalf quand même. Il y a des drôles de décisions. Pour ce prix-là, je me serais forcé pour comprendre. Ouais. Donc vous l'aurez compris, l'aventure de Bilbon sera divisée en 3 parties. Le prochain film est attendu dans 1 an tout pile. On a même déjà les photos des épisodes 2 et 3 sur Internet. Et il reste encore une douzaine de semaines de tournage à l'équipe de Peter Jackson en Nouvelle-Zélande. Donc il filme 3 en même temps, si je comprends bien ça. Voilà. D'accord. Sachez enfin que les films seront tournés non pas au format classique de 24 images par seconde, mais de 48 images par seconde. Spécial ça. Ouais, un nouveau moyen de filmer qui est censé rendre la 3D plus fluide et plus réaliste. Un procédé qui sera repris par James Cameron dans le prochain Avatar qu'il est en train de terminer d'écrire justement en Nouvelle-Zélande. Donc on attend de voir le résultat en salle. Tout à fait. On continue avec le chiffre de la semaine. Oui, j'en ai déjà beaucoup parlé depuis sa sortie le 9 novembre dernier, mais bon, James Bond n'en finit pas de battre des records. Il a rapporté près de 95 millions de livres au Royaume-Uni. Et a donc réussi à détrôner Avatar, ce qui est quand même pour moi exceptionnel. Oui. Parce que sachant que en fait quand on allait voir Avatar, on achetait aussi les lunettes 3D, donc ça comptait dans le but dans l'argent que le film faisait. Ah oui, pour vrai. Parce que quand ils comparaient avec Titanic, justement, ils essayaient de faire un rapport entre 3D sans 3D. Est-ce que ça a fonctionné ça, Titanic en 3D? Ah, je sais pas du tout. Je sais pas. Je pense. Leonardo DiCaprio. Bah oui. Une planche en bois qui flotte dans la mer gelée. Et aussi la planche, parce que je pense que tu parles de Kate Winslet. Oui, oui. La planche. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout. L'agent 007 pardon, a également réussi à redépasser Twilight au box-office américain avec 918 millions de dollars de recettes et s'approche tout doucement du milliard avec 11 millions de nouveaux spectateurs cette semaine. La presse disait du film qu'il était certainement le meilleur de la saga. Les spectateurs semblent le confirmer. Une bonne chose pour la MGM Grand qui produit le film et qui a eu quelques soucis financiers ces dernières années. De l'histoire ancienne, certainement, puisqu'avec le succès certainement attendu du Hobbit, semblerait que les comptes soient remis à zéro. Voilà, voilà. On enchaîne avec des nouvelles de l'extraordinaire homme-araignée Spider-Man. Beaucoup de nouvelles pour Peter Parker cette semaine. Tout d'abord, Harry Osborn, le meilleur ami de Peter et donc le fils de Norman Osborn, le bouffon vert, s'est trouvé un interprète en la personne de Dane DeHaan. notamment aperçu dans Chronicle. Il reprend le rôle laissé par James Franco. Autre nouvelle, on a appris grâce à la magie des réseaux sociaux et de Twitter, et aussi de la femme, Dasim Hamad, qui allait interpréter en fait le rôle du vampire Morbius dans The Amazing Spider-Man 2. Des producteurs aux réalisateurs, en passant par les scénaristes, tous reconnaissent aujourd'hui qu'à cause des réseaux sociaux, il est compliqué de garder un secret sur les scénarios, sur les personnages. Quelqu'un s'échappe tout le temps. Voilà. Nolan a plutôt bien réussi avec Batman, quand même, on n'en savait pas grand-chose. Mais bon. Le problème, c'est que quand les acteurs ou leur entourage ne les aident pas non plus, c'est en effet grâce à une certaine Stéphanie Levina et Twitter qu'on a appris que son formidable mari, Asim Hamad, a été engagé pour jouer Morbius dans l'extraordinaire Spider-Man 2. Elle pensait que c'était connu et que tout le monde savait ça, donc elle est allée poster ça sur Twitter. Ben, je sais pas. Bizarre. Des propos confirmés par le comédien, du coup... vu notamment dans Fright Night, mais qui a toutefois précisé que le personnage ne ferait qu'une simple apparition et que son temps de présence n'excédait pas 2 pages de script. Il n'empêche que si Mark Webb voulait surprendre en faisant intervenir ce méchant vampirique, c'est un peu raté, et on se demande pourquoi le metteur en scène a choisi un acteur si peu connu pour le rôle quand on parle de Jamie Foxx pour prêter ses traits à Electro à côté. Ah, Jamie Foxx, sérieusement, Jamie Foxx, je suis en train de... Ben, on est rendu à la moitié de l'épisode, mais on regardait le Saturday Night Live avec Jamie Foxx. Ouais. Il est tellement drôle, ce gars, il devrait être dans tous les films. Ben, il fera peut-être un bon méchant. Oui, on termine avec une alerte Star Wars ou pas? Mais on peut dire que c'est une demi-alerte Star Wars, donc bon, jingle quand même. Oh, alerte Star Wars! Alerte Star Wars! Alerte Star Wars! Bon, alors je vous raconte la petite histoire. L'acteur Jason Fleming, interviewé cette semaine aux États-Unis, a fait une jolie bourde qui a ravivé la rumeur de Matthew Vaughn comme réalisateur de l'épisode 7. C'est le moment cinéma de la semaine. Est-ce qu'on peut avoir une petite musique d'ambiance ou pas? Un truc de fond sympa. Des affaires de fond de film? Un peu suspense. On va en essayer plusieurs. Okay, attention, je pense que ça, c'est peut-être un petit peu déprimant. Non, peut-être celle-là ici. Non, trop triste. Un peu plus suspense. C'est pas suspense, ben. Ça. Oui. Oh oui. Ok. Intérieur jour. Ça recommence. Ça. L'acteur se tient devant la caméra. Sans hésiter, le journaliste prend son courage de main et demande. Vous avez parlé de Star Wars avec Matthew Vaughn? L'acteur, gêné, tente d'esquiver la question et se met à imiter ses 3 PO. Avant de dire, Matthew et moi avons fait 9 films ensemble. Je suis donc sûr qu'il m'appellera pour Star Wars. Et je suis sûr qu'il va me dire, Fleming, non, je sais que sur le papier c'est pas terrible, mais je te promets que c'est essentiel pour le rôle. Voyant que l'acteur le mène en bateau, le journaliste enchaîne immédiatement. Vous pensez que Vaughn est intéressé par le job? Et là, au moment où l'acteur a répondu, le monde s'est arrêté de tourner. Je cite. Pourquoi? Par quoi? Par Star Wars? Je pense que... Il arrête brutalement sa phrase, le visage expressif. Il est gêné. Il vient de se rendre compte qu'il a fait une immense connerie devant la caméra. Ah! Il reprend. Oui, il est intéressé par l'affaire. Ah! Ce qui fait rire le journaliste. Évidemment. Donc voilà. Oh, gaffe! Donc ça ne veut tout et rien dire. C'est ça. En tout cas... Ouais. Ceci dit, c'est sur Internet et c'est très très drôle à voir. Allez chercher le clip. Donc, autre candidat potentiel, John Favreau, le réalisateur d'Iron Man, oui. Et David Fincher, qu'on ne présente plus, je pense, quand même, depuis Millennium. Le premier bave littéralement sur le job, mais le second a déjà travaillé chez ILM, la boîte d'effets spéciaux de Lucasfilm. Quoi qu'il en soit, comme dirait Yoda... Toujours en mouvement, l'avenir. On le saura donc bientôt, c'est promis. On attend là-dessus. Alors, on passe maintenant à l'actualité des séries télé. Et on commence avec les Feux de l'amour. Ah, les Feux de l'amour. Les Feux ça, de l'amour. Ça passe au Québec, les Feux de l'amour. Oui, ça passe. Ouais, ça passe. Je me demande dans quel pays ça passe pas, en fait. À TVA, en après-midi. Depuis tellement longtemps. Oui. Alors, le soap opéra, comme on dit en anglais, vient de battre un nouveau record aux États-Unis. Record Alors, de la pire série. Non, 39 saisons, 10 000 épisodes. Wow. 39 saisons quand même. C'est-à-dire, si jamais vous vous dites, tiens, je me ferais bien l'intégrale, peut-être que vous serez mort avant. En fait. C'est vachement. J'étais impressionné. Mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours connu ça à la télé aussi. Le 10 millième épisode récemment célébré et les Feux de l'amour sont toujours au top. Si le temps ne semble pas avoir d'effet sur Nikki, Victor, Jack, Sharon, Nicolas et les autres. Il en est de toute évidence de même en ce qui concerne la place que le soap de la chaîne CBS occupe dans le cœur des fans de ce qu'on appelle les daytime aux USA. Il y en a de moins en moins, année après année, les séries de jour comme ça se font retirer. En effet, ça fait 24 ans, soit 1248 semaines consécutives que, que les familles Newman, Abbott, Chancellor, Winter, Baldwin, Fisher sont en tête du classement des soap opéras les plus regardés outre-Atlantique. Enfin, ici, quoi, en fait, parce qu'on est outre-Atlantique. Pour toi, parle pour toi. Voilà, je parle pour moi. Un record absolu à l'époque où les habitants de Genoa City se sont installés confortablement sur la première marche de ce podium. Les programmes de ce genre étaient au nombre de 13 aux USA. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont définitivement en perte de vitesse, comme tu disais, aux États-Unis, car seulement 4 subsistent encore, notamment la petite heure de la série, également créée par William G. Bell et Lee Philip Bell, Amour, Gloire et Beauté. C'est là, je crois pas qu'Amour, Gloire et Beauté joue à la télé ici. Ça passe. Est-ce que c'est... attends un peu, est-ce que c'est The Bold and Beautiful, celle-là? Oui, peut-être. Parce que je crois que c'est Top Model au Québec, ça, non? Oui, c'est ça, je me disais, c'est peut-être un autre... Alors, nous, en France, ça s'appelle Amour, Gloire et Beauté, avec un générique mythique qui fait... Amour, Gloire et Beauté... Ah non, non... Ah si. Ah mais non, au Québec on a des titres bizarres parce que à l'époque on faisait pas juste acheter des séries, tu sais, qu'on les modifiait nous-mêmes pour notre public. Maintenant on fait juste racheter puis diffuser avec elles. Mais ouais, je crois que c'est peut-être Top Model. Pas sûr. Ouais. Donc pas d'inquiétude dans l'immédiat. The Young and the Restless, comme on dit, enfin c'est le titre anglais. Okay. Le feuilleton est renouvelé pour 2013 et pour 2014 aussi, donc okay, il y aura au moins 41 saisons. Donc Amour, Gloire et Beauté, c'est The Young and the Restless. Non, Amour, Gloire et Beauté, c'est je sais pas, et The Young and the Restless, c'est l'effet de l'amour. Ok, parfait. Hey, c'est compliqué à suivre ça. Là, ils ont commencé à jouer des jours et des vies là, à TVA aussi. Là. Ça, c'est Days of Our Lives. Okay. Tu connais? C'est un des quatre. Je suis pas très soap opéra. Moi non plus. Moi, si, en fait, à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose quand on était petit, quand on était chez notre grand-mère, elle nous disait après les feux de l'amour. Et ça m'a traumatisé. Je comprends. C'est vraiment comme ça pour pas mal tout le monde, même au Québec. On continue avec l'enterrement de. Oh, c'est triste, l'enterrement de J.R. dans Dallas. Oui, alors le personnage de J.R. dans Dallas, hein, parce qu'ils ont déjà enterré l'acteur qu'il jouait. Hein, ils l'ont pas conservé pour l'enterrer. Pour faire ça à la télé. Ils l'ont déjà fait avec Michael Jackson, on sait plus trop où elle finit. Donc les scénaristes du reboot de la série culte ont décidé, comme tout le monde s'y attendait, d'organiser les funérailles du légendaire méchant. Les adieux auront lieu lors d'un épisode diffusé aux USA en mars 2013. Donc, je vous l'annonçais ici même le 23 novembre dernier. C'était l'un des plus célèbres méchants de l'histoire de la télévision. Larry Hagman, inoubliable interprète du légendaire J.R. Ewing dans Dallas, est décédé des suites d'un cancer alors qu'il était en plein tournage de la deuxième saison du reboot de la série qu'il a installé au rang d'icône du petit écran dans le monde entier. 3 semaines après la disparition de l'acteur, les scénaristes ont fait le choix prévisible de donner la mort au personnage phare du programme. Ainsi, les fans du machiavélique Texan pourront faire leurs adieux à leur personnage préféré dans l'épisode 8 de la deuxième saison du Dallas Nouvelle Génération. D'ailleurs, des anciens de la série originelle devraient effectuer leur retour dans cet épisode afin de rendre un dernier hommage à celui qui les a manipulés pendant tant d'années. Sont attendus des personnages qui ne sont pas encore apparus au cours de la saison 1 dans la nouvelle version du soap. Cet épisode qui s'annonce d'ores et déjà comme historique sera proposé au public américain le 11 mars 2013. Mais dans quelles circonstances JR tirera-t-il sa révérence? Est-ce qu'on va avoir un nouveau qui a tiré sur JR dont je vous ai parlé, qui avait réuni plus de 70% d'Américains devant leur télé? Ça serait une bonne idée, ça. Le mystère reste entier, mais on peut imaginer que l'équipe de la série prépare une sortie exceptionnelle au grand frère de Bobby, Patrick Duffy, à la hauteur du personnage. La deuxième saison de Dallas 2012 débutera le 28 janvier prochain sur la chaîne câblée américaine TNT. En attendant de se délecter des ultimes manipulations et des derniers couteaux plantés dans le dos par JR, sachez que Larry Hagman a tourné 6 épisodes de cette deuxième saison. Donc c'est ça, il joue dans les 6 premiers épisodes, mais ensuite, ils n'ont plus l'acteur pour faire les scènes qui sont nécessaires pour le tuer. Donc il va falloir que ça se passe hors écran. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. On va pas le voir mourir en... Non. Pendant les fins, je pense. À moins qu'il engage un look-alike, un sosie, qui puisse le filmer de dos ou... Avec la perruque et les vêtements pareils. Après, est-ce qu'il meurt dans un accident, dans une explosion sur un lit d'hôpital, mangeant ses cornflakes le matin? Je ne sais pas. Oh non. Quelqu'un lui fait faire le saut ou quelque chose comme ça. Il est vieux. Un saut à l'élastique raté, ça marche toujours. Oui, un splat. On continue avec toute autre chose, puisque ABC serait en train de préparer une nouvelle série dans la veine des X-Files. Voilà, les responsables du network ABC sont en train de peaufiner leur plan pour le premier semestre 2013. Après avoir révélé les dates de lancement des séries de ces prochains mois, ils viennent de passer la commande d'une nouveauté pour la période estivale. Il s'agit de World Desk, donc bureau bizarre. Ouais. Un drama qui embarquera le public entre paranormal et science-fiction, un peu à la façon de X-Files, des thématiques devenues trop rares à la télévision. World Desk est initié par Carl Binder, qui a fortement contribué à Stargate Atlantis et Universe, et David Teacher à l'origine des aventures de Flynn Carson. Au cœur de l'intrigue, une organisation secrète répondant directement et uniquement au président des États-Unis. Leur mission, enquêter sur des phénomènes surnaturels et paranormaux qui peuvent parfois même impliquer des extraterrestres. À sa tête, Morgan, un homme particulièrement brillant mais complètement déconnecté de toute réalité sociale. Il est seulement en vie grâce aux efforts de sa partenaire Loretta, un agent super entraîné des forces spéciales. Ok, oui, en effet, la comparaison avec X-Files dans ce cas-là est assez évidente. Oui. ABC a d'ores et déjà donné son feu vert pour 13 épisodes qui seront programmés dans sa grille d'été, jusqu'alors habitué à... Excuse-moi, grille d'été, ça s'annonce mal. Ah ouais? Grille d'été sur ABC, sur une chaîne câblée, d'habitude les émissions l'été, ça fonctionne très bien, mais ouais. Aux États-Unis, sur les grands réseaux ABC, NBC, CBS, quand tu programmes l'été, d'habitude ça ne dure pas longtemps. D'accord. HBO, c'est une chaîne câblée ou... Oui, câblée. D'accord. Non, parce que je me disais que le succès de 3 blottes, quand même... Ben, peut-être que c'est ce qui les inspire. Peut-être qu'étant donné que sur le câble, ça fonctionne bien, ouais. Les réseaux essaient de reproduire l'idée. Mais d'accord. Ouais, peut-être. Jusqu'alors habitué à consacrer les mois de juin et août à de nombreuses rediffusions, les principaux networks, donc c'est ce que tu disais. Voilà. Mathieu Plante a de l'avance sur ma chronique. Bon, je m'excuse. Hein. Semble cette fois miser sur quelques inédits. ABC a enfin prévu de diffuser au même moment le remake US de Mistress, un soap sur les déboires sentimentaux de 4 amis d'une trentaine d'années. Quant à sa rivale CBS, elle a annoncé récemment la mise en chantier de l'adaptation de Under the Dome de Stephen King et également pour l'été 2013. Et ben. Alors, on termine avec un épisode spécial de NCIS sur la jeunesse d'une des personnages phares, en effet, celui d'Abby. NCIS prépare un épisode entièrement consacré à Abby Ciotto, interprété par Paulette Perrette. Celui-ci permettra d'explorer l'enfance de ce personnage emblématique du show et de découvrir comment Abby est devenue cette incroyable gothique techno-geek. Elle est vraiment cool. Ouais, vive, j'adore. Ouais, ouais. Pour l'occasion, la jeune actrice Brinton Charbineau, récemment apparue dans la nouveauté de NBC The New Normal, interprétera prêtera ses traits à une Abby âgée de 10 ans. Le showrunner de la série Gary Galsberg a d'ailleurs salué la performance de Brinston, qu'il décrit comme une jeune actrice impressionnante qui a passé du temps avec Paulette Perrette afin de pouvoir reproduire ses mimiques et sa façon d'être. Concernant l'intrigue de l'épisode, il explique « Nous nous sommes demandé quel type d'histoire nous pourrions faire sur les origines d'Abby de sorte à ce que ce soit quelque chose de différent. Au lieu de m'attacher à ses premiers jours de travail au sein du NCIS, j'ai plutôt été intéressé par comment Abby a commencé à développer son trait pour la science légale, son attitude avec les autres, sa passion pour le corps et les indices. » Donc, nous avons décidé d'aller plus loin dans le passé du personnage. Gary Galsberg ajoute que les téléspectateurs en sauront aussi davantage sur les origines du sens de la mode d'Abby, des choix vestimentaires à ses cheveux et sa manière de se tenir aux choses qu'elle dit. Beaucoup de surprises sont à t'attendre dans cet épisode. L'épisode en question devrait être diffusé en février. Voilà donc pour NCIS. Et voilà pour la chronique de Maxime Bessuy, Ciné-Télé. On te retrouve la semaine prochaine pour une dernière chronique. Oui. Mes derniers moments québécois avec vous sur C'est fou. Est-ce que tu vas pratiquer ton accent québécois pour nous le faire la semaine prochaine? Ah ou... je peux te la faire un peu maintenant. On voit un petit peu de... Ouais, mais ça passe-tu? Ça a du potentiel. C'est pas pire. Okay. C'est pas pire que ça. C'est correct. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 8h. Pas si pire que ça, quand même. Il y a de la... Maxime Bétuy, merci beaucoup. Et c'est jeudi prochain à 8h. Donc, on écoute Mother Mother. On retourne en arrière. On connaît le morceau Bit by Bit en ce moment. Oui. Steph, Bit by Bit. Bit par Bit. Bit par Bit, mais pour l'instant. On se bainerait avec le Bit par Bit. Là. On est drôle. Hein. Voici Businessman. 89 FMC. They sleep in a coma. Yeah, yeah, yeah. Au retour, Stéphanie, sort ton petit calepin de journaliste pour prendre des notes parce que ça va être un fait. Ah, OK. Il y a un examen à la fin. Ah oui? Ouais. Ouais, moi, j'ai arrêté l'école là parce que je voulais plus faire d'examen. Bon, c'est rendu que la radio nous enseigne des affaires. C'est quoi cette affaire-là? Assemblage qui pour toi aujourd'hui? Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Lundi, à Assemblage requis. Véronique Mire sera avec nous pour sa chronique du bureau de la réussite étudiante. Elle sera là, Carignan nous parlera d'art et spectacle, temps et culture. Et c'est la dernière semaine d'Assemblage requis en 2012. Alors soyez-y lundi 7h à C'est fou. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. 8h32, Assemblage requis, Stéphanie Paradis est toujours là. Oui, avec Mathieu Plante. Et hello! Salut! Bonjour! Ça va? Ouais, toujours, toi? Ouais. Il nous reste à peu près une demi-heure d'émission. C'est la dernière demi-heure qu'on va passer ensemble à l'émission. Fait qu'on va en profiter de ça, ça? Ouais. Profiter de ça avec la chronique, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Évidemment, j'essaie d'enseigner des choses à notre cobaye Stéphanie. Oui. J'espère que tu vas m'apprendre plein de choses. J'espère que je ne serai pas juste répéter des faits que j'ai déjà faits. Je vais te le dire. Tu me diras. Oui, je vais te le dire. Voici quelque chose que moi, je ne savais pas. Pink Floyd. Le nom de Pink Floyd, ça vient des musiciens blues américains Pink Anderson et Floyd Council. Ah? Je ne savais vraiment pas ça. Ben, moi non plus. Intéressant. Pour déjeuner, la reine Elisabeth numéro 1, là. Oui, la première. Queen Elizabeth Hill, comme ils disent en Asie. buvait souvent 2 pintes de bière. Sérieusement? Au déjeuner. De la bière forte, qu'ils disent. Puis après ça, tu me traites de soulonne? Ah, ben j'ai jamais dit que t'étais soulonne avec un qualificatif comme moins que la reine, plus que la reine. J'ai jamais dit j'ai rien de ça. Maintenant, je vais pouvoir dire juste un petit peu moins que la reine. C'est bon, OK. À peine. C'est moins pire. 2520. Devine 2520, qu'est-ce que ça a comme, chose intéressante autour de ça? 2520, est-ce que c'est l'année où les voitures volantes vont sortir? Ah, j'espère. Non, c'est le plus petit, est-ce qu'on dit nombre? C'est ça? Nombre. Ouais. Qui peut être exactement divisé par tous les chiffres, c'est ça? Chiffres? Entre 1 et 10. Cool. Tout en étant rond une fois que tu le divises, t'sais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, c'est cool, ça. J'aime bien ça. 2520. Nikedonia. Qu'est-ce que ça veut dire, Nikedonia, selon toi? Ah, bon, j'ai aucune idée. C'est l'anticipation de succès qui te fait plaisir. Donc, c'est « The pleasurable anticipation of success ». Ah, OK. Quand t'anticipes le succès et que ça te fait plaisir. Voilà. Nikedonia. Pour chaque être humain dans le monde, il y a 1 million de fourmis. Par personne. Les armadillos. Armadillos, c'est un tatou, ça. Hein? C'est l'affaire que l'animal, le tatou. Et les humains. Donc, tatou et humains sont les seuls animaux qui peuvent avoir la lèpre. Ah, ben, écoute, on est choyés. Ben, on est chanceux. C'est ça. À un moment donné, tu sais, un tatou. Tatou garni de lèpre. Hein? Ah. Il est tatou garni de lèpre, non? Oh, je sais pas. Il est tatou garni. Il y a sûrement des images plus belles que ça. Bon. La trompe d'un éléphant peut tenir 4 gallons d'eau. 4 gallons! Pas 1, pas 2, pas 3, pas 5. 4 gallons d'eau. En litres, ça fait combien, tu sais-tu? Oh, attends un peu. On va essayer de voir. 4 gallons. Gallons, tu sais, c'est un peu vieux là, comme unité de mesure. Je cherche, là. Ah, ça me le dit pas. Je sais pas. Pas grave. Faites la conversion à la maison, puis je vais la faire de mon côté. Et voilà. D'habitude, Google est fort là-dessus pour te convertir des affaires. Un gallon, c'est 3,78 litres. Donc, 3 points. Ça commence à être long. 3,78. On avait dit fois combien? 4. 78 fois 4. 15 litres. Bon. Ça valait la peine, hein? Ben oui, parce que là, je peux comparer, par exemple, avec ma cruche d'eau 18 litres que j'ai transportée hier. Puis ça me dit que c'est quand même une bonne quantité d'eau. C'est ça. Parce que IGA avait pas de 11 litres. Exactement. Voilà. Les frères Luke et Owen Wilson, tu connais les acteurs Luke et Owen Wilson? Oui. À l'origine, ils étaient supposés de jouer les Malloy Brothers, les frères Malloy, dans Ocean's Eleven, mais ils ont abandonné pour jouer dans le film The Royal Tenenbaums. C'est quoi ce film-là? Il aurait dû choisir le premier, je pense. Ben, c'est ça. C'est ce que certains disent. À cause de la popularité de Davy Jones, tu connais le groupe Les Monkees? Oui. Hey, hey, with a monkey. Bon. Donc, à cause de sa popularité, Davy Jones, il y a un autre chanteur britannique nommé David Jones qui a dû changer son nom. Oh. C'est devenu David Bowie. Ah, pour vrai? Eh ben! Eh ben! Là, je m'aventure dans les faits de musique, alors que j'y connais rien. Je me ferai dire plus tard par d'autres que c'était pas exact. Puis ça sera pas moi. C'est ça. Hitchcock, tu connais Alfred Hitchcock, là? Oui. Oui. Hitchcock a acheté les droits du roman Psycho, Psychose. Et ensuite, il a acheté autant de copies que possible pour garder la fin la plus secrète possible. Ah oui? Ben oui, c'est intelligent quand même. En 1986, des balles jaunes ont été utilisées à Wimbledon pour la première fois pour les rendre plus visibles à la caméra de télé. C'était pour la caméra. C'est quand même la fin. Le 23 avril 1950, les Minneapolis Lakers, c'est évidemment une équipe de sport de basket, là. Basket. Oui, basket mauve et jaune. Tout à fait. Ils ont battu les Syracuse Nationals dans le premier championnat de la National Basketball Association, la NBA. C'était en 1950. Eh bien. De 1620 à 1820, l'argent, en tout cas, la forme d'argent, si on veut, entre les Native Americans, donc les Amérindiens, oui. C'est comme ça, et les Nord-Américains, okay. À l'époque, c'était des castors. Donc, un fusil coûtait 12 castors entre 1620 et 1820. Très mauvaise traduction de fait, mais vous comprenez que les castors étaient utilisés comme argent. Mais le nombre de castors a dû changer durant ces années-là. Pour avec un le taux de change, ou avec tout ça, l'inflation. Puis, exactement. Puis aussi, peut-être, la grosseur du castor. Je ne sais pas si le castor a évolué. Et... Qualité A. C'est ça. Grosseur A, là, comme les œufs, finalement. En 2003, la compagnie America's Jones Soda Company, ils ont fabriqué une boisson gazeuse à la dinde et à la sauce. Oh, pour l'action de grâce. Turkey and gravy. C'est-tu que la plupart des chenilles ont 12 yeux? 12? 12 okay. Yeux. Toujours bien à dire, j'aime ça. Le symbole infinité. Infinité, c'est comme un 8 sur le côté. Infini, oui. Ouais. Infinité. Plus un infinité, non? Infinité, ça, c'est pas un groupe de musique douteux? Pas. Tu te souviens pas? Non. Ah, ben, c'est pas grave. Si tu t'en souviens pas, c'est même mieux c'est pour mieux ta santé. Oui. Donc, le symbole de l'infini. Oui. Voilà. S'appelle un lemniscate. L-E-M-N-I-S-C-A-T-E. Qui vient du latin, qui veut dire décoré de ruban. Ah! Ça ressemble à un ruban. Ah! Ah ouais. C'est cute. Jusqu'en 1908, lorsque l'adoucisseur biologique a été inventé, là, on parle de lavage de linge, là. Oui, oui. Dans la laveuse. Donc, la façon standard, la façon la plus utilisée pour ramollir le cuir était de le garnir de de défécation de chiens et de pigeons. Ah! Ça adoucissait et ça rendait plus mou le cuir. Je sais pas comment ils ont fait pour arriver à cette conclusion-là. Ils ont essayé plein de choses, hein. Ah ben pourquoi pas mettre du. Coudon, on sait plus quoi faire. On va essayer ça. Et la première poudre à laver biologique a été inventée en 1913. Ça contenait des extraits de pancréas de cochon. Mais comment ils ont fait pour venir à cette conclusion? Je sais pas, mais coudon, tu te dis. Bon. Et voilà. C'est tout pour la chronique. C'est un fait pour aujourd'hui. Ben, c'était super intéressant. Il y en avait une couple. Ben oui. Ouais, maintenant, il faut s'en souvenir. Faut s'en rappeler pour replacer ça dans les conversations plus tard avec nos amis. Ça s'insère très, très bien, ça. C'est... Hey, savais-tu ce qu'ils prenaient pour le cuir, oui. Là? Alors, on va l'écouter, tiens, les jeunes filles, les jeunes femmes de Madame Moustache. Oui, bonne idée. Roméo et Joliette commence à l'instant. Assemblage requis sur C'est fou. Que ce serait différent. Tu me promettais pas la lune. Oui, la faillette, c'était tentant. Je me sentais vraiment comme quelqu'une. Mais quand t'as vu mon GPS qui pointait pas vers la frontière, tu m'as trouvé un peu BS. T'as laissé ton cœur choir à terre. J'ai vraiment cru à une erreur. Tu m'as dit Montréal, c'était à une heure. J'rêvais des soins de

Machine Gun Susie et Four-Headed Susie à Assemblage Requis à 8h46 minutes. Ring, ring, ring, ring, ring, ring. J'haïs pas ça. C'est gras. C'est très gras. C'est sale. C'est de la musique de filles sales. De filles sales? Ouais. Dirty girl. Dirty, dirty. Dirty. Dirty. Oui, ben c'est un extrait du palmarès anglophone et les palmarès c'est fou, ben ça a lieu les jeudis après-midi entre 15h et 18h avec Alexandra Carignan et moi-même. Hein? Hey, c'est bon ça. Mais... C'est aujourd'hui ça? Oui. C'est bon, après-midi. Soyez là. Exactement, ben soyez là toute la journée, hein. On vous parle de la programmation tantôt. Hein. En fait, il n'y aura pas grand chose à dire sur la programmation en ce moment, mais que voulez-vous. On retourne encore entendre une autre pièce du palmarès, encore une fois du côté anglophone, c'est là qu'on va se situer pour l'instant. Je pense qu'on va faire un petit bloc moitié anglo, moitié franco pour varier un petit peu. Oui. L'émission est presque finie. François-André n'est pas là cette semaine. C'est fini pour la session. La semaine prochaine, on va être quand même assez... Je dirais que la semaine prochaine va ressembler à cette semaine en termes de chroniqueurs. Pas mal tout le monde qui était là cette semaine va être là la semaine prochaine. On parle entre autres de Véronique Mirsch qui est là. Alexandra Carignan devrait être là. On a Michel Lebrun, David Ferron, Maxime Bilodeau et Maxime Bétuy. Puis moi, je vais peut-être même revenir puis faire une chronique autre. Ben, tu m'as dit que tu le ferais, ma gueule! Ouais, puis au pire, si je suis pas bonne, je me dirais que t'es pire. Merci. Hey, comme si je n'étais pas déjà en train de me self-bâcher cette semaine, je m'auto-flagelle. J'essaie de me venger un peu, là. Uh-huh. Oui, oui, oui. C'est ça. Ça fait bien. La guerre n'est pas terminée. Admets-moi à ma place. Ouais. Donc, on s'en va entendre Rip de Ringo Lester. Ça, c'est fou. Ben, c'est dans vos oreilles, ça. Juste là. On pointe les oreilles, là. Évidemment. I'm not afraid to die. se nous traverse la tête aux pieds. Et personne ne peut arrêter ce jeu des ondes. Plus la musique est intense, plus on accélère. Et sans le savoir, on a le pied qui s'enfonce. Le volume de ma radio trop fort a crié les paroles des autres. A essayé de chanter et encore à s'en défoncer les côtes. Le volume de ma radio trop fort a crié les paroles des autres. A essayé de chanter et encore à s'en défoncer les le plein, pour vider le plein. C'était deux pièces. On a créé un monstre. Ça, c'était Je pleure ou je ris. Assemblage requis. On va se quitter presque là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait à dire avant ça? On voulait Ben, c'est parce que oui, je regardais la pochette, puis j'ai vu vert d'oreille, puis ça m'a fait penser. Il y a des expressions dans la vie qui sont supposées être positives, okay. mais que moi, je perçois négativement. Puis qu'il faut vraiment que je me force pour voir ça positif. Quand Par même. Exemple, pas piquer des verres. Ouais. Moi, tu me parles de verres, je trouve ça dégueu, je vois pas ce qu'il y a de positif, puis on dirait que je vois pas le « ne pas piquer des verres ». Ouais. Puis il y a aussi... c'était quoi, donc? Un verre d'oreille. Ah non, un verre d'oreille, non. Mais moi, ça, je veux dire, il y a encore des verres. Là. Moi, des verres, ça m'écœure, là. Puis, mon Dieu, j'ai tellement perdu l'autre que je voulais dire, tu t'en souviens pas? Non, pas tout. Non, je pense qu'on a été déconcentrés par autre chose. On va finir ça là-dessus. On finit sur cette note très, très positive. Oui, c'était pas piqué des verres. Pas mal, hein? On se retrouve lundi entre 7h et 9h. On aura Véronique Mire et sa collègue du bureau de la Réussite étudiante. On aura aussi Alexandra Carignan et Le Temps de culture. Merci beaucoup, Stéphanie Paradis, d'avoir co-animé avec moi toute la semaine ou presque. Ouais, ça m'a fait vraiment plaisir. Puis... À peut-être dans 9 mois. Dans 9 mois pour un autre François, bébé. François, ouais, c'est ça, fait un autre bébé. Justement, François-Olivier, ben, on le retrouvera très bientôt. J'imagine lundi, on sait pas encore, on va confirmer ça. On va quand même lui dédier la pièce Here Comes My Man de The Gaslight Anthem. Ouais. Ouais. Et puis, restez à l'écoute pour les gars de La Belle et les Bêtes qui s'en viennent dans quelques minutes. Gars, fille, est-ce qu'il y a encore une fille dans l'équipe cette semaine? Non. Donc, les gars de La Belle et les Bêtes qui s'appellent maintenant, j'imagine, juste Les Bêtes. Les Bêtes. Parce qu'ils ont l'air bêtes, non? Non, ça n'a pas rapport avec ça. Oh, on verra bien. Donc, restez là pour l'émission de discussion sur l'actualité, la vie de tous les jours. Donc, ça s'en vient dans quelques minutes. Après ça, le dîner de con à 11h. Ciao, bye. Salut. Singing oh, sha-la-la, oh.